Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 27 mars au Palais des congrès de Mansudae à Pyongyang avec la délégation gouvernementale du Congo, conduite par Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population, qui lui a rendu une visite protocolaire. En audience, la femme chef l'a prié de transmettre au dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, les salutations du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Elle a dit qu'à l'occasion de son séjour en Corée, elle a su parfaitement les exploits immortels de Son Excellence Kim Il-sung et de Son Excellence Kim Jong-il accomplis pour le bonheur du peuple coréen et le développement des relations d'amitié bilatérales. Elle a souligné que la visite de la délégation en Corée a une grande portée et qu'elle s'efforcera à l'avenir aussi pour le développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays qui ont de longues histoires et traditions.